Harcèlement. Affirmant subir des faits de harcèlement moral au travail, un salarié adresse à la direction des ressources humaines une lettre relatant ces faits, le CHSCT en recevant une copie. L'employeur qui conteste ces allégations et considère qu'elles portent atteinte à son honneur porte plainte contre son salarié pour diffamation. Alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement est protégé contre le licenciement et toute mesure discriminatoire, peut-il faire l'objet d'une telle poursuite? Non, selon la Cour de cassation. Aucune poursuite en diffamation ne peut être engagée contre le salarié s'étant plaint de harcèlement auprès de l'employeur ou d'une personne chargée du respect du droit du travail dans l'entreprise. Si l'on suit la lettre de l'arrêt, la dénonciation de faits de harcèlement auprès de personnes n'ayant aucun rôle quant à l'application du Code du travail devrait pouvoir entraîner des poursuites pour diffamation, en particulier si les accusations sont proférées en public, sur un réseau social ou dans la presse.